d'Italie. En français? Voglia d'Italia. Pour voir l'Italie autrement, d'ici. Per molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista, in questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle usciate tanto per fare, contenti di vederle cervellare. Les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris Pluriel sur 6.3 FM. Bonsoir à toutes et à tous. Comme tous les premiers lundis du mois, vous écoutez Envie d'Italie sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, on vous propose une émission complètement consacrée à la musique. Ce sera Olivier Favier, Isabelle Violante et moi-même, Irene Pancaldi, accompagnés par Bertrand Chomton à la technique, à vous accompagner dans l'univers musical italien. On passe aussi le bonjour à notre Véronica Colalti qui aujourd'hui ne sera pas avec nous. Elle nous écoute de chez elle pour que, en fait, elle ne risque pas d'accoucher à FPP. Donc un gros bisou de nous tous. Gros bisou Véronica. Et alors, donc, si vous rêvez parfois d'autoradio à plein volume ou d'un bel été à la plage, cette émission est pour vous. Grâce à nous, vous pourrez connaître la Gianna de Rino Gaetano, parler très bas avec Vinicio Capossela, travailler avec douceur comme Enzo Darré nous conseille. Dans tous les cas, vous découvrirez que la chanson italienne n'est pas seulement sentimentale, mais aussi engagée, dialectale, ironique et subversive. Comme l'opéra et les mélodrames qui furent et sont encore de culture populaire, elle dit beaucoup d'une époque et de nos existences. Donc avant de passer la parole à Isabelle pour qu'elle nous raconte l'univers de Sanremo, je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif en écoutant une première chanson. Donc ce sera Edoardo Bennato avec « Sono solo canzonette ». La chitarra era una spada, chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Direttore generale delle poste, delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Nella mia categoria gente poco seria di cui non ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e deputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande che ti assillano la mente, va da loro e non ti preoccupare. Sono a tua disposizione e sempre senza esitazione loro ti risponderanno. Io faccio solo rock and roll. Se vi conviene, bene, io più di tanto non posso fare. Gli impressari di partito mi hanno fatto un altro invito e hanno detto che finisce male. Se non vado pure io al raduno generale della grande festa nazionale. Hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, che anche a loro devo il mio successo. Che son pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, un sovversivo, un mezzo criminale. Alors, vous êtes toujours à l'écoute d'Envie d'Italie et après avoir écouté cette première chanson d'Edoardo Bennato qui nous amène dans l'univers de la canzonetta italiana, je passe tout de suite la parole à Isabelle. Oui, les canzonettes, les petites chansons qui en Italie ont un rite, c'est Sanremo. Depuis 1952, à la fin de l'hiver, l'Italie suspend toute activité, oublie tout et passe une semaine à écouter, à regarder des paillettes, des danseuses, des stars, nani et ballerine, has-been et autres, qui servent de décor à une vingtaine de chanteurs. Ceux-ci se produisent à Sanremo, en Ligurie, la ville des fleurs, celle qui fournit en fleurs la salle viennoise du concert du 1er de l'an, donc toujours de la musique. La télévision d'État catalyse toutes les attentions, les journaux font l'un une. 15 millions de spectateurs en moyenne suivent ce festival national popolare et national populaire, qui est le révélateur des changements et des permanences de la nation et du peuple. Ainsi, c'est à Sanremo que Modugno présente ses grands tubes, Volare en 58, Ciao Ciao Bambina en 59, et à chaque fois, il remporte le premier prix. Il en gagnera 4 en tout dans sa carrière. Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? E pioggio pianto, dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove Ciao Ciao Bambina de Modugno, prix de Sanremo en 1959. Je ne vous raconte pas l'élection du vainqueur qui est aussi byzantine que celle des doges de Venise, parce qu'à Sanremo, ce qui compte, c'est l'empreinte que des chansons laissent, qu'elles aient gagné ou perdu. Et ce qui importe, c'est aussi que tout est déjà joué à Saint-Rémy, tout s'est déjà passé. En ce moment, Internet is body de la présence d'une religieuse au D-Voice italien. Et ben, à Saint-Rémy, deux prêtres ont déjà concouru en 82 et en 2000. Merci Rossana de me l'avoir signalé. Donc, comme dit Maurizio Pupo, « sono serate nostalgie », il y a des soirées de nostalgie où l'histoire se rejoue indéfiniment, elle s'anticipe, elle se dédouble et elle se raconte. Parce qu'en fait, pour tous les Italiens, les chansons de Saint-Rémy sont une sorte d'autobiographie individuelle et collective. Ainsi, je parle de moi. Du dernier Saint-Rémy de mon enfance italienne, j'avais gardé en tête une sorte de comptine pour enfants, l'histoire d'une jeune fille, Gianna, qui tient à la laisse un crocodile et un docteur. Gianna aveva un crocodile et un dottore. 30 ans plus tard, j'ai retrouvé cette chanson, son chanteur, son auteur, avec une puissance subversive insoupçonnable. C'est en 1978 que Rino Gaetano se produisait sur la scène de Saint-Rémy en haute forme et basket. Il refusait le playback qui était de mise à l'époque. Il sera abandonné définitivement en 1990 seulement. Il prononçait pour la première fois sur les planches de Saint-Rémy le mot sesso, sexe. Il lançait à la fin de sa prestation des médailles au public et au chef d'orchestre. Et avec Gianna, il s'est classé à la troisième place. Et excusez-moi Isabelle, je profite juste un instant pour te demander une question, pour te poser une question sur Gianna, parce que lors de notre rencontre, tu nous avais raconté une petite anecdote qu'on avait beaucoup aimée. Donc si tu peux juste nous raconter ce qui s'est passé avec cette chanson. Ah oui, c'est qu'effectivement la chanson, la musique, les religieuses et tout se mélange en permanence en Italie. Cette chanson que je pensais être une chanson pour enfants, je l'ai apprise à ma petite dernière qui avait 4 ans en Italie dans un train. Dans un compartiment, cette petite fille qui ne savait pas l'italien en dehors de 3 ou 4 chansons se prend d'amitié avec la voisine du compartiment, une religieuse, une jeune religieuse, una suora giovane, et elle lui raconte, elle lui chante Gianna. Elle lui chante Gianna qui a un coccodrillo et un dottore, mais écoutez bien avec quoi, avec quel mot rime dottore. Non aveva neanche un minuto, non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Donc elle était un petit peu choquée. Hein. Ah, mais la bonne sœur a poliment rougi. La diplomatie l'a emportée sur le blasphème. Et voilà, et là on commence à écouter les notes de Rino Gaetano. Gianna, Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Ma la notte la festa è finita, e viva la vita. Alors, et nous voilà encore. Donc, on continue à parler de Sanremo. Vous êtes toujours sur FPP Radio et Envie d'Italie. Isabelle, qu'est-ce que tu nous racontes? Ben, avec Gian, Rino Gaetano n'a pas gagné et il n'a pas eu l'occasion de se représenter. Il se tue dans un accident de voiture 3 ans plus tard. Le talent n'est pas toujours récompensé à Sanremo, c'est la loi du genre. Et il y a même une tragédie, une némésis qui marque l'histoire du festival. Luigi Tenco, un jeune chanteur de l'école génoise, présente en janvier 67 une chanson en duo avec son amoureuse, la grande Dalida. Cette chanson, Ciao Amore Ciao, n'est même pas admise en finale. Et la nuit même, Tenco se tire une balle dans la tête en laissant un mot. J'ai aimé le public italien et je lui ai dédié inutilement 5 années de ma vie. Je fais cela, non pas parce que je suis fatiguée de la vie, mais comme un acte de protestation. J'espère que cela éclaircira les idées de quelques-uns. Ciao, Luigi. Ce n'est pas Ciao Amore Ciao qu'on vous passe, mais une autre chanson de Tenco, parce que ce n'est pas une chanson de congé, mais une promesse de présence. Lontano, lontano. E lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. E lontano, lontano nel mondo, in un sorriso sulle labbra di un altro, troverai quella mia timidezza per cui tu mi prendevi un po' in giro. E lontano, lontano nel tempo, l'espressione di un mondo per caso ti farà ricordare il mio volto, l'aria triste che tu amavi tanto. Lontano, lontano de Tenco, donc du mélo, de la tragédie, du spectacle. Mais Sanremo, c'est aussi la chanson d'auteur et la censure. Nous sommes dans l'Italie, je vous parle de l'Italie des années 70 à 80. Et prenons l'exemple du Bolognais Lucio Dalla, qui est mort il y a 2 ans exactement. Lucio Dalla, en 1971, présente à Sanremo 4 mars 1943, qui reprend le titre, dans son titre la date de naissance de Lucio Dalla, mais n'est pas une chanson autobiographique qui raconte l'histoire d'un enfant qui n'a pas de père. Et Dalla se souvient de la censure et de la façon dont le texte de sa chanson a été repris. Le titre, qui était initialement Gesù Bambino, a été modifié dans la date de naissance. Et puis, à la fin, on a « E ancora adesso che gioco a carte bevo vino » Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. le texte initial disait, je vous donne la traduction française, et encore maintenant que je blasphème et que je bois du vin, pour les voleurs et les putes, je m'appelle l'enfant Jésus. La censure l'emporte sur le texte, mais le texte, lui, et la chanson demeurent. 4 mars 1943 de Lucio Dalla. Dice che ero bell'uomo e veniva, veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Mars 1943 de Lucio Dalla. Je finis mon petit travelling sur Saint-Rémy avec une des dernières victoires, Emma Marrone, pour vous montrer que ça peut être aussi un festival de chansons plus, plus à voix, plus Emma Marrone sort d'une émission de télé. Il n'y a plus de censure maintenant, il n'y a plus de dérapage, il n'y a plus de subversion, mais toujours une grande messe qui dure presque une semaine. Et Emma Marrone avec Nonel Inferno, avec Nonel Inferno gagne en 2012 le Festival de Saint-Rémy. Nous vous passerons cette chanson-ci en songeant que, en vous indiquant que sa voix servira ensuite, plus tard, assez vite, dans un film. Et que cette présence de la... C'est le film Salvo de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza de 2013, qui est sorti en, oui, donc, est sorti en 2013 en France, en octobre, distribué par Bodega Film. Et pour la petite histoire, donc, c'est une chanson très sentimentale et elle est écoutée par un killer qui tombe amoureuse d'une jeune femme aveugle qui, sous l'effet en fait, d'un choc émotionnel au tout début du film, retrouve la vue et il écoute cette chanson en boucle dans son autoradio avant de... Voilà, il l'enlève, tombe amoureux d'elle et il écoute cette chanson. Voilà, donc en Italie, même les killers écoutent des chansons sentimentales. Oui, on ne vous souhaite pas de devenir killer, mais d'écouter ces chansons en boucle. Donc Emma Marone et Nona l'Inferno en 2012. E mi ritrovo a non tirare a fine mese in mano a Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no, non è l'inferno, ma no. Pensato questo invito non per compassione, ma per guardarla in faccia e farla assaporare un po' di vino e un poco di mangiare. E se sapesse che fatica ho fatto per parlare con mio figlio che ha 30 anni, dove il sogno di sposarsi è la natura di diventare padre. Sapesse quanto sia difficile il pensiero che per un giorno di lavoro c'è che ancora più diritti di chi ha creduto nel paese del futuro. Et alors, on est toujours à l'écoute d'Envie d'Italie sur 106.3 FM. Et ce soir, on vous parle de musique. Donc, après avoir abordé l'univers de Sanremo, dont je remercie beaucoup Isabelle Violante pour cette belle présentation, je passe la parole à Olivier Favier pour entrer dans la deuxième des trois parties de notre émission, donc celle consacrée au cinéma. Au cinéma et au cinéma récent, puisque j'ai choisi des chansons qui sont... utilisé dans des films de ces cinq dernières années. Donc le plus vieux est de 2009, le plus récent de 2013. Alors pour commencer, j'ai choisi une chanson de Vinicio Capossela, qui est parmi les plus brillants cantautori de la dernière génération, même si en 1965, c'est plus un tout jeune homme. Et c'est vrai aussi que c'est notre générique aussi. Oui, hein, c'est notre générique, effectivement, Capossela. Et donc il est né en 1965 en Allemagne, mais sa famille est originaire de Campanie. Il y a une ironie chez lui et une ouverture aux influences musicales extérieures qui en font une sorte de personnage à part, comme avait pu l'être par exemple Paolo Conte, qui a été révélé en France, on va dire, dans les années 80, début des années 90. Dans son parcours, donc dans le parcours de Vinicio Capossela, on croise des noms comme Francesco Guccini, qu'il remarque au tout début de sa carrière, grand chanteur et interprète. Le guitariste Marc Ribot, qui collabore avec Tom Waits, un chanteur qui a beaucoup influencé Vinicio Capossela, ou encore Adriano Celentano, dont il a réinterprété une chanson. Le dernier album de Vinicio Capossela est sorti en 2012, il s'appelle Rebetiko Ginnastas, et c'est d'ailleurs au Rebetiko que Vinicio Capossela a dédié un documentaire, Indebito, en 2013, documentaire réalisé avec l'immense Andrea Segre. La chanson que vous allez entendre est extraite d'un album de 2008 intitulé Da Solo. On peut l'entendre interprétée par son auteur dans le film Dieci Inverni de Valerio Mielli, une charmante comédie sentimentale, sortie en France en 2009 sous le titre de 10 hivers à Venise. On écoute Vinicio Capossela. « piano e poi non dire quel che hai detto già, le bugie non invecchiano. Sulle tue labbra aiutano, tanto poi è un'altra solitudine specchiata, scordiamoci di attendere il volto per rimpiangere, parla ancora e poi dimmi quel che non mi dirai. Versami il veleno di quel che hai fatto prima su di noi. Il tempo ha già giocato, ha già scherzato, ora non rimane che provare la verità che ti dà, che ti dà. Nascondere negli angoli, dire e non dire, il gusto di tradire una stagione. Sopra il volto tuo pago il pegno di volere ancora avere, ammalarmi di te, raccontandoti di me. Vinicio Capossela, et maintenant je voudrais vous parler d'une actrice, Valeria Golino. Valeria Golino, la sublime méduse de Respiro, un film d'Emmanuel Ecrialese, et qui a eu un tel succès en France à sa sortie en 2003 que les Italiens ont dû réévaluer ce jeune réalisateur qu'ils avaient un peu boudé en fait. Ce film a rendu célèbre l'île de Lampedusa bien avant la terrible actualité des naufrages, actualité à laquelle nous avions consacré d'ailleurs notre émission de novembre, que je vous invite à réécouter. De Respiro, certains se souviendront encore de la scène du shampoing dans la cour où l'on voyait Valeria Golino occupée à un toilettage général, la sienne, celle des enfants et des deux chiens de la famille. La chanson qui accompagnait ces images était un tube des années 70 de Patti Pravo, La Bambola. Depuis, Valeria Golino a réalisé un film, Miel, et qui est sorti en France cette année. Et dès le 18 juin, on pourra la voir avec Filippo Timi dans Comme le vent de Marco Simone Puccioni. Ce film, Respiro, avait d'ailleurs marqué le retour dans la péninsule d'une actrice qui avait fait tout le début de sa carrière à l'étranger, aux États-Unis pour l'essentiel. Et là, on va l'entendre comme interprète dans une chanson qui a été le générique d'un film de Giuseppe Piccioni, Giulia non esce la sera, un film de 2009. Film qui, à ma connaissance, n'est pas sorti en France. La chanson s'appelle Piangi Roma, elle l'interprète avec Francesco Bianconi, le chanteur du groupe Baustelle, un groupe dont l'univers est d'ailleurs très très cinématographique. Mi manchi tu, la fantasia, il cinema, un'altra sigaretta, perché è facile buttarsi via. Respiro e scrivo tutto quello che mi manca, è un'assurda specie di preghiera che sembra quasi amore. Piangi Roma, muori amore, spegni il sole da far male, ha già fatto le valigie, ma rimango ad aspettare. Ridi Roma, ridi amore, dice il telegiornale, che la fine si avvicina, io mi invento un gran tu, la libertà, tanti LP, Battisti e Mina. Mi servi tu, la malattia che spazza via la razza umana. Nous l'avons vu dans notre parcours sur le Festival de Saint-Rémy, où les chansons portent en elles la nostalgie. Plusieurs films de ces dernières années, notamment ceux qui évoquent les années 70, reprennent le titre de chansons célèbres. Je pense à Mio Fratello e Figlio Unico de Daniele Lucchetti, mon frère et fils unique. De Rino Gaetano, le même dont on a entendu Jan tout à l'heure. Et aussi le titre d'une des comédies sentimentales les plus réussies de Paolo Vielzi, La Prima Cosa Bella, sortie en France en 2010. Alors, le tube original était de Nicolas de Bari, de 1970, qui joue un rôle important dans le film, cette chanson. Et pour le film, la chanson a été réinterprétée par Malika Ayane. Nous l'écoutons. Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare, non lo è, non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai. Cantare, non chiedo di più. questa voce, chi canta il mio cuore, amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai, i prati sono in fiore. Oui, alors évidemment, on a eu un tout petit problème, donc c'était la version de Nicola De Bari, donc la version de 1970 qu'on vient d'entendre. Alors Paolo Virzi, parlons un petit peu de Paolo Virzi. Oui, je vais y arriver. Paolo Virzi, qui est un metteur en scène un petit peu spécialisé en fait dans ce type de film sur la famille. Là, en fait, dans la Prima Cosa Bella, c'est un film sur une maman des années 70, une maman particulièrement belle. Repéré comme tel et donc un petit peu dans une histoire un peu passionnelle avec son mari. Et le film nous amène donc à l'histoire de cette femme qui est très malade, qui va mourir et qui essaye de rétablir le contact avec ses enfants et notamment avec son fils qui ne lui parle plus depuis des années. Et on va dire le chemin qui les amène tous les deux à retrouver un petit peu leur contact, aussi bien donc avec son fils qu'avec sa fille, c'est cette chanson, La Prima Cosa Bella, donc chanson du début des années 70, qui faisait partie un petit peu du répertoire populaire qu'elle connaissait, qu'elle chantait à ses enfants. Et il y a un lien véritable finalement entre ce film, le titre de cette chanson qu'on va enfin écouter et l'histoire qui nous est racontée. Ho preso la chitarra e suono per te. Di imparare, non l'ho e non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella. Il tuo sorriso giovane sei tu. senti questa voce che canta il mio cuore. Ho preso la chitarra. Malika Yane qui chante La prima cosa bella, la reprise de Nicola Di Bari. Bah, je signale qu'elle a été lancée par Saint-Rémy en 2009. Ouais, voilà, merci Isabelle. Donc on continue notre plongée dans l'univers musical italien et on continue donc avec Olivier Favier et Cinéma et Musique. Alors on ne peut pas faire une émission sur la variété italienne contemporaine sans évoquer la chanson néo-mélodique napolitaine, un phénomène populaire très important de ces dernières années dont on avait un peu parlé dans la dernière émission consacrée à Naples. C'est ça, c'était la dernière émission consacrée justement au Segreto, aussi le film de Chop et Caff. Voilà, et on avait entendu à ce moment-là une chanson de Maria Nazionale. Et Maria Nazionale, et cette chanson, on l'entend dans le film Gomorra de Matteo Garrone, dans lequel elle joue un second rôle qui lui a même valu un prix d'interprétation. Alors le titre que vous allez entendre n'est pas d'elle, mais extrait d'un autre film de Matteo Garrone, et Reality, sorti en France en 2012. On écoute A Storia e Maria d'Ivan Granatino et Franco Ricciardi. Per scrivere canzoni c'è sta chi dice che una volta l'hanno trovato era nera nera ma manava a rilevare e mo sienta amica, sienta amica che la gatta vita a sienta dice che non si è mai innamorato chi dice che andò fuori da neva non vagliona canta una sera ora il tuo cuore è pura vita e troppa zitta zitta nessuna mai saputa e mo Maria tu sta Maria che fa, Maria non si chiama più Maria, mo, Maria come sta, Maria tu chi sta, se ancora si ricorda di me Maria. Sienta amica, che da Catarica, non è tuo marito di libre storie che sti dica, storie promessa, di parte chi resta, storie che si guarda abitare da una finestra. A gente dice che Maria se ne è partuto, chi dice che va visita una chiesa di un'occhiata, stranievano creature figli non peccata, e troppa zitta zitta nessuna mai saputa, e mo. Maria che sta, Maria che fa, Maria non si chiama più Maria, mo, Maria come sta, Maria con chi sta, se ancora si ricordi me Maria. Sarà in America, non spicchi più italiano, forse sta rumendo sotto la metropolitana. Sarà cantando la canzone americana, forse sta cantando solo mia seconda chiave. Alors cette brève promenade dans les chansons des films italiens de ces cinq dernières années, je voudrais évoquer un cinéaste que j'aime beaucoup, Ivano De Matteo, dont deux films sont sortis en France, tous deux distribués par Bellissima Film, La Bella Gente, en 2011, qui avait eu déjà le Grand Prix du Festival d'Annecy en 2009, et Les Équilibristes en 2013. Ce dernier film raconte l'histoire d'un homme ordinaire, Giulio, employé municipal pour 1 200 € par mois. Suite à une infidélité, sa femme lui demande de quitter le domicile. Même avec un emploi fixe, Giulio ne parvient pas à trouver un logement et commence alors pour lui une descente aux enfers qui l'oblige à dormir dans sa voiture et à manger à la soupe populaire. Son destin est celui de quelques 200 000 Italiens aujourd'hui, qu'un accident de la vie, un deuil, un divorce sont jetés à la rue. On écoute la chanson du générique du groupe Nuova Tribù Zulu, Da domani cambio vita, Dès demain, je change de vie. Guardami, la mia pazienza sta arrivando al limite. E questa rabbia rischia di distruggermi il cuore. alibi. Questo paese è in mano all'illegalità. Politicanti senza idealità. Menzogna, corruzione e falsità. Ho visto gente che cacciava via tutti gli ipocriti. Ristabiliva nelle piazze pace e verità. I sogni e i desideri come fiumi che si uniscono. Io da domani cambio vita, forse in India me ne andrò. Io da domani cambio vita e non morirò. Riconquistiamo il senso dell'umanità. Fuggiamo e combattiamo la mediocrità. Questo potere è fatto di viltà. Si vendono la nostra dignità. Semplice, questa canzone è semplice intonata. Ma non me basta fana serenata. È nata per chi non si arrende mai, per chi sfida il destino e scaccia i guai. Ho visto gente che cacciava via tutti gli ipocriti. Ristabiliva nelle piazze pace e verità. I sogni e i desideri come fiumi che si uniscono. Io da domani cambio vita, forse in India me ne andrò. Io da domani cambio vita e non morirò. E allora, nous voilà à nouveau, on vient d'écouter Nuova Tribù Zulu avec Da domani cambio vita. Donc merci à Olivier Favier pour cette plongée dans le cinéma en musique. Donc on continue à notre petit voyage dans la musique italienne, car en fait il y a une troisième partie qu'on a envie d'aborder, et c'est celle des chansons engagées. Et en effet, la tradition des chansons engagées et ou en dialecte, est longue et très variée. D'ailleurs, on a déjà écouté quelques chansons en dialecte. Donc, c'est pour ça que, bah, je vous le dis tout de suite, il y a pas mal de chansons et de chansonniers qui ne seront pas présentés. Pour en citer seulement quelqu'un, il faudrait parler de Guccini, de Gaber, Iannacci, de André. Donc, le choix qu'on a fait, c'est tout à fait personnel, mais j'espère qu'on vous donnera envie d'en savoir un peu plus. Et nous avons envie d'ailleurs d'ores et déjà de faire une autre émission sur la musique. Donc je vous propose de commencer notre plongée avec Fischia il Vento. Donc cette chanson a été écrite il y a 70 ans par Felice Cascione. C'était un commandant partisan sur les montagnes de la Ligurie. Et c'est sur l'air de la chanson russe Katyusha du 1938, qui a été portée en Italie par les anciens combattantes suite à la campagne de Russie. D'ailleurs, il y a un livre racontant l'histoire de Felice Cascione qui vient tout juste de sortir en Italie par les éditions Castelvecchio. Et c'est la chanson qui a eu le plus de popularité pendant la lutte de libération et elle est encore à présent très connue. Moi, comme je crois beaucoup de gens de ma génération, j'ai encore dans mes oreilles d'ailleurs la voix de ma grand-mère qui la chante. Donc je vous propose de l'écouter dans la version des Modena City Ramblers. Vente, furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna ludona un sospir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta sarà del partigiano. Ormai sicura è la dura sorte del fascista vile tradito. Ormai sicura è la dura sorte del fascista vile tradito. Calma la bufera, torna a casa il fiero partigiano, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Che il vento infuria la bufera, scarpe rotte pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Alors, on vient d'écouter Fischi al vento dans la version de Modena City Ramblers, donc dans notre troisième partie. Donc, pour reprendre un peu les fils qu'Olivier a abordés à propos de chansons et cinéma, je pensais à Lavorare con lentezza, la chanson d'Enzo Darré, une chanson pour voix et chaise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instrument, car Enzo Darré accompagne les paroles en marquant les rythmes sur une chaise. Cette chanson a en plus passé en ouverture des émissions de la radio libre Radio Alice. C'était la radio du mouvement qui naquit à Bologne en 1976 et dont le film homonyme de Guido Chiesa, qui a été écrit en 2004 et co-écrit avec le collectif Vuming, raconte l'histoire. Donc je vous laisse écouter « Lavorare con lentezza ». Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa ritmo lento, pausa pausa ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò e nous voilà encore, donc on a écouté Lavorare con lentezza di Enzo Darré, donc qui était une chanson liée aussi à la radio, car c'était donc la chanson qui passait en ouverture des émissions de la radio libre Radio Alice. Oui, qui était d'ailleurs dans cette aventure de Radio Alice, il y avait une Carlo Petrini qui était connu ensuite pour le slow food, donc pour l'idée de manger aussi avec lenteur. Et ben voilà, donc on continue et dans la vaste production de chansons populaires et engagées, il y a aussi une partie en dialecte. Et je pense par exemple au groupe napolitain 99 Posse, très militant et engagé. Ils ont commencé à se faire connaître pendant les années 90 avec leur album Curre Curre Guaglio, qui d'ailleurs a été aussi la bande originale du film Sud de Salvatore. Et qui a gagné, donc cet album, il a gagné le prix Tenco comme meilleur CD de l'année en dialecte. 229191, un giorno come tanti ma non certo per qualcuno, qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato, una gabbia sta facendo reprimendo, attento, ascolta, dico reprimendo, chi da solo denuncia e combatte si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale, officina 99, curro curro vaglio. Si non scatta di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, se in un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, io, allora è chi sto momento e tu le ha superata. Ti piaccio dalla mia indio. Come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte. Ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galla di una fragilità. Guaglio, di una fragilità. Guaglio, io, io, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sone, forse un licenziamento in tronco roba drone, forse una risata in faccia in un carabiniere. Non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta, quel calore ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore. Alors nous voilà, il y a les 99 postes avec Curre Curre Guaglio qui continuent à nous accompagner pendant cette émission, donc entre musique et cinéma, San Remo, chansons engagées. Donc on continue à cette dernière partie. Donc dans les chansons de lutte, en parlant du travail de récupération de chansons anarchiques fait par Mara Redigheri. Elle a commencé sa carrière en chantant avec le groupe Oust Maman, qui d'ailleurs dans le dialecte des Apennins de Reggio Emilia veut dire « proprio adesso », donc juste maintenant. En 2013, avec le groupe Dio Walzer, elle a repris des chansons anarchiques dont on écoutera Stornelli d'Esilio, dans laquelle je crois aussi qu'il y a beaucoup d'exilés italiens en France qui peuvent se reconnaître encore aujourd'hui. La chanson, en plus, elle est connue aussi avec le titre « Nostra Patria e il mondo intero » et elle a été écrite par l'anarchiste italien Pietro Gori en 1895. Je me permets de faire un petit clin d'œil aux amis de l'XM24, donc un centre social autogéré de Bologne, qui l'utilisent comme hymne, donc on l'écoute. O profughi d'Italia, all'avventura si va senza rimpianti, né paura, nostra patria, il mondo intero. nostra legge è la libertà ed un pensiero, ed un pensiero, nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, ribelle in cuore ci sta. Dei miseri le turbe sollevando fumo d'ogni nazione, messi al bando, dovunque uno sfruttato si ribelli, noi troveremo schiere di fratelli. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, ribelle in cuore ci sta. Raminghi per le terre e per i mari, per un'idea lasciamo i nostri cari, passiamo di plebi varie tra i dolori della nazione umana. Precursori, nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, ribelle in cuore ci sta. Ma torneranno Italia i tuoi proscritti ad agitar la face dei diritti. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, ribelle in cuore ci sta. Vous êtes toujours sur Envie d'Italie, sur 106.3 FM, et ce soir on vous parle de musique, plus précisément de chansons italiennes. Nous avons abordé l'univers de Sanremo, nous avons parlé des chansons dans le cinéma italien récent, et maintenant nous sommes donc sur les chansons engagées avec Irene Pancaldi. Oui, alors donc pour terminer cette partie, on revient à une chanson en dialecte sicilien cette fois-ci, donc c'est de Franco Battiato et ça s'appelle Stranizza d'amuri. On pourrait bien appeler cette chanson L'amour au temps de la guerre, d'après les titres d'ailleurs du très célèbre roman de Gabriela Garcia Marquez. Franco Battiato n'a écrit que 3 chansons en sicilien, donc il y a sa langue maternelle. Et c'est une sorte de, enfin, c'est un souvenir de son enfance, c'est le écho d'une guerre qui venait de terminer. Car Battiato, en plus, il est né en 1945. Et il y a peu de mots très simples qui savent tout dire et qui, c'est comme si on disait « Omnia vincit amor ». Je voulais ajouter quelque chose à propos de Battiato, c'est qu'on avait déjà diffusé une de ses chansons dans une émission précédente en juin 2013, une émission qui avait été consacrée au criminel de guerre italien Rodolfo Graziani. Et Battiato a consacré une chanson qui s'appelle Lettre au gouverneur de Libye, Lettera al governatore della Libia, qui est une chanson évidemment à charge de Graziani, dont je rappelle qu'il a bénéficié d'un monument payé par la région de Rome, la région Latium, qui est toujours en place. Voilà. Et c'est quand même un cas relativement exceptionnel d'un criminel de guerre honoré par un monument. Donc on écoute là maintenant Stranizza d'amori de Franco Battiato. Dove aduni da scamacca i carretteri, ogni tanto la sauno i loro bisogni e i muscoli ci abulano sopra. È una caccia di lucettoli all'itturina da circumettinea. I saggi ginni c'è una bocca a scuola sta finendo. Man mano che passo un'ionna sta frevi mi giasen dall'ossa, con tutto che fora c'ha guerra mi sento scianizza d'amore, l'amore. E quando t'angongio da strada mi veni nascosta ando cori, cu tutto che fora se mori, n'amori, scianizza d'amore, l'amore. Alors, on vient d'écouter Franco Battiato avec Stranizza d'amori et je passe la parole à Olivier. Alors, pour rester sur la chanson engagée, je voulais parler d'un album qui est sorti l'an dernier d'Alessio Legga qui s'appelle Malatesta. On a parlé tout à l'heure de Piero Gorli, donc il faudrait parler aussi d'Enrico Malatesta, autre grand anarchiste italien, grand théoricien de l'anarchisme, dont pas mal de textes ont été traduits en français, qu'on peut trouver en ligne ou peut trouver aussi en livre. Et Alessio Legga a fait un album extrêmement intéressant parce que ce sont beaucoup de chansons engagées, mais des chansons qui mêlent des personnages très très différents. Donc il y a à la fois Malatesta, mais il y a aussi Matteotti, qui n'était pas jusqu'à Nouvel Ordre un anarchiste, mais un socialiste unitaire. Et puis il y a cette chanson très belle, que celle que j'aimerais vous faire entendre, qui s'appelle Difesa dell'Allegria, Défense de la joie, qui est adapté d'un poème du regretté Mario Benedetti, un grand, grand poète uruguayen. Le titre original était « Defender la Alegría », vous excuserez pour mon accent espagnol. Et je vais vous lire en fait la dernière strophe, la traduction de la dernière strophe de l'adaptation d'Alessio Legga, parce qu'il a légèrement modifié le poème. Vous pouvez retrouver l'un et l'autre, le poème et la traduction de la chanson sur mon site, www.dormirajamais.org. Alors la dernière strophe dit ça, « Défends la joie comme un droit, défends-la de Dieu et de l'hiver qui vient, de toutes les majuscules que la mort impose, de la vie tordue, des souffrances du hasard et des pensées cyniques, et surtout défends-la des comiques. » Voilà, ceux qui connaissent la politique italienne et le rôle qui joue Beppe Grillo comprendront le message. On peut écouter cette dernière chanson. Difendi l'allegria come una trincea, difendila dallo scandalo e dall'abitudine. Difendila dalle miserie e dai miserabili e dalle assenze transitorie e da quelle definitive. Difendi l'allegria come un principio. Difendila dallo stupore e dal dolore. Difendila dai neutrali e dai neutroni e dai gran permalosi e dalle gravi diagnosi. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Difendi l'allegria come una bandiera dai colpi di fulmine e dalla malinconia, dai finti ingenui, dalle vere carogne, dai discorsi retorici, dagli attacchi cardiaci e dai mali endemici e dai baroni accademici. Difendi l'allegria come un destino, difendila dal fuoco e dai pompieri, dai tentati suicidi, dai riusciti omicidi, dai lavori usuranti, dallo stress delle ferie e dall'obbligo di stare allegri, tutti allegri in serie. Dalla ruggine e dalla fuliggine, dalla famosa patina che il tempo vi depone, e da chi dell'allegria fa una prostituzione. Difendi l'allegria come un diritto, difendila da Dio e dall'inverno che viene, da tutte le maiuscole che la morte impone, dalla vita contorta, dalle pene del caso e dai pensieri cinici, e soprattutto difendi l'allegria dai comici. On m'a donné le rôle de Madame Saint-Rémy et pourtant j'aimerais conclure en soulignant que Saint-Rémy m'a aussi donné la voix à de la chanson engagée. Non seulement parce que le drame de Tenco a donné lieu à l'institution d'un prix, un prix parallèle à Saint-Rémy qui récompense des auteurs-compositeurs d'envergure mondiale ou nationale, le 99 Posse l'a eu, Irénée Pincaldi l'a dit tout à l'heure, mais aussi parce que des chanteurs qui présentaient des textes, des chansons à texte, des chansons qui valent non pas tant par la voix puissante ou mélodique, mais par l'ancrage dans la réalité, se sont présentés et ont reçu éventuellement le Premio della Critica, pas toujours, très rarement, le prix officiel de Saint-Rémy. Nous allons vous faire écouter ainsi Enzo Iannacci, qui est mort, le Lombard, mort en 2013, qui, en 1991, reçoit le Premio della Critica pour la chanson La Fotografia. On est loin de la mélodie. La chanson donne voix à un père qui parle à la première personne. Son fils vient d'être abattu d'une balle perdue. On est dans un sud où une mafia ou une désorganisation ou une incompréhension, un chaos absolu se joue de la vie et de la mort. Paolo Conte est un avocat, Enzo Iannacci est un médecin, des voix autres qui interviennent et parlent de la société italienne, même sur l'estrade de Saint-Rémy. No, scusa. Guarda la fotografia. Io sono quello col vino. Sembra neanche un ragazzino. Lui è quello senza motorino. Così adesso che è finito tutto e siamo andati via. E la pioggia scherza con la saracinesca della lavanderia. No. Io aspetto solo che magari l'acqua non se lo lavi via, quel segno del gesso di quel corpo che han portato via. E tu maresciallo che hai continuato a dire, andate tutti via, andate via, qui non c'è più niente da vedere, niente da capire. Credo che ti sbagli, perché un morto di soli 13 anni è proprio da vedere, perché la gente, sai, magari fa anche finta, però le cose è meglio fargliele sapere. Guarda la fotografia, sembra neanche un ragazzino. Io sono quello col vino e lui è quello senza motorino. Era il solo non voler capire d'essere stato sfortunato. Nasce in un paese dove i fiori hanno paura e il sole è avvelato. E sapeva quanta cosa fosse un gioco e giocava col destino. Un destino col la sua faccia, la sua faccia nel mirino. Alors, vu que cette émission est consacrée à la musique, je souhaite vous signaler le premier festival de musique indépendante italienne qui aura lieu à Paris au Gibus Club du 16 au 18 mai. Il s'appelle Maggio et il est organisé par la librairie café italienne Marco Valdo en collaboration avec l'agence culturelle Vinile. Vous pourrez écouter, entre autres, Dente, Bruno Risas, Lo Stato Sociale, Colapesce et d'autres encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du festival qui est festivalmaggio.tumblr.com. Donc, je vous propose d'écouter Mambo Reazionario de Bruno Risas, qui est le premier et qui va donc être en concert le vendredi 16 mai au Gibus Café. Alla fine ti sei sposato, alla fine l'hai fatto in chiesa, alla fine hai rinunciato anche all'ultima pretesa. E alla fine ti sei piegato alle logiche del mercato, il televisore al plasma e il divano cammellato. È il tempo delle Molotov, tutti pazzi per Maria, ufficiali e gentiluomini della polizia, non ti rincorrono più. Ai ai ai ai, ai, ai, ai, ai, ai, è un mambo un po' precario. necessario. E la rivoluzione Che Guevara e Pinochet adesso ballano felici sulle basi di Beyoncé. Non si rincorrono più. E monta, ma monta, monta, mambo, monta. Ai ai ai ai ai ai ai, è un mambo battagliero. Alors notre émission touche à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, on est en train de vous préparer une autre super émission pour le mois prochain, le 2 juin, n'est-ce pas Olivier ? Oui, parce que du 20 au 25 mai au Théâtre de la Talente, dans le 18e arrondissement, il y a la semaine de Traduire, Transmettre, une belle programmation qui cette année est consacrée tout entière à l'Italie, avec entre autres des textes de Goldoni, d'Alfieri, de Testori, donc des classiques, Enzo Moscato et aussi Saverio La Ruina et Marco Baliani. Saverio La Ruina et Marco Baliani seront présents lors des lectures et nous aurons l'occasion donc de les interviewer. Et avec Federica Martucci, nous proposerons donc une émission tout entière consacrée au théâtre contemporain italien. Très bien, merci beaucoup Olivier. Donc je vous conseille d'aller voir sur notre site envieditaliefppradio.wordpress.com car vous trouverez tous les titres qu'on a passés ce soir et même plus que ça. Donc voilà, pour terminer, un grand merci à tous ceux qui ont participé à la préparation et à la réalisation de cette émission. Donc Olivier Favier, Isabelle Violante, Bertrand Chumton et moi-même, Irene Pancaldi. Et un grand bisou à Veronica Collalti.